C'est un qu'un sale pervers qui n'a aucun ami. Peut-être t'as baissé dans ta rue, il sait pas ce que c'est qu'il donne la nuit. Et peut-être, approche-moi là, il recrute ses victimes comme ça. Quand ça arrive, personne ne va, pourtant des canines et leur ramasse. La mort pour ses vendeurs, une bonne était de bonheur. Travesté pour tes méfaits, bien trop lâche pour te montrer. Tu agis comme un gros porc, nous te promettons la mort. Dans un arbre au contre-mur, bientôt une politique plus dure. Ton violeur est un café, nous allons nous en occuper. La mort pour ses ordures, une politique plus dure. Battons-nous pour une France propre, non, notre fierté n'en est pas morte. Demain il donnera ta mère, il sera trop tard pour être amer. Battons-nous pour une France propre, non, notre fierté n'en est pas morte. Ta féroce est en danger, toi seul pour la protéger. La mort pour ses vendeurs, une politique plus dure. Tuer, sans pitié, c'est un bâtard doit payer. Tuer, sans pitié, c'est un bâtard doit crever. Tuer, sans pitié, c'est un bâtard doit payer. Tuer, sans pitié, c'est un bâtard doit crever. La mort pour toi en dur, bientôt je te le gère.